Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a cité la rétribution des mécréants qui ont mécru après l'arrivée de la preuve évidente. Il a dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associâtres seront livrés au feu de la gêne où ils demeureront pour l'éternité, car ce sont les pires des créatures. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc ils seront entourés par le châtiment de l'enfer de tous les côtés. Et il sera dur et pénible pour eux. Et en plus, ils vont y demeurer éternellement. Car ce sont ceux-là les pires des créatures, c'est-à-dire ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont délaissée. Ainsi, ils ont perdu le bas monde et l'au-delà, wal-iyadu billah. Allah Azza wa Jalla dit ensuite, « Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyah. » Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toutes les créatures, car ils ont adoré Allah seul, ils ont connu leur Seigneur, et ils l'ont adoré seul, et ils ont réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ils auront les faveurs d'Allah dans le dunya et dans l'akhira, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a terminé cette sourate en disant, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins de Adn, sous lesquels coulent les rivières. جنات عدن, c'est-à-dire des paradis dans lesquels ils vont demeurer éternellement et qu'ils ne vont jamais quitter. Et c'est parmi les degrés les plus élevés du paradis. Ces paradis de Adn, sous lesquels coulent les rivières où ils séjourneront à jamais, à tout jamais. Allah sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Allahu Akbar. Eux seront satisfaits de leur Seigneur et leur Seigneur sera satisfait d'eux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de se satisfaire de nous, d'être satisfait de nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de nous et de nous agréer et de nous accepter parmi ses serviteurs qu'il adore seul sans rien lui associer. Leur Seigneur les a agréés à cause de leurs adorations sincères dans le dunya. Leur Seigneur les a agréés et leur a réservé une multitude de faveurs et des récompenses immenses que nul œil n'a vu et nul lui n'a pu entendre et que aucun cœur d'un homme n'a pu s'imaginer. Il n'y a entre dunya et l'akhira comme ressemblance que dans les noms et dans les appellations. Mais dans la réalité des choses, rien de l'akhira ne ressemble au dunya. La ressemblance, elle est uniquement dans le nom et l'appellation de la chose.